justice. Nous-mêmes, faut savoir qu'on s'entend dans la vie. C'est une promesse de justice. Et salut, professeur, dis-le ça. Des enclos afin d'engorger l'eau. Il émane du très haut, la fondée sur les lingots, il nous fond du l'eau. On se rapproche de très haut, on s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Il émane du très haut, la fondée sur les lingots. L'autiste me fondait sous l'oppression, l'impression d'un monde sans expression. L'hémorragie de la hiérarchie des pulsions. On veut la radicale abolition. L'homme a oublié sa mission. J'ai oublié ma mission. Car l'argent nous porte dans une fiction. Y'a beaucoup trop de friction. Trop de compétition. 24 heures sur 24 sur tension. On s'approche du très haut. On s'éloigne des enclos afin d'en bouger. Émane du très haut. On fondait sur des lingots. Il nous faut du l'eau. On s'approche du très haut. Tu as eu un incident. Dans ce monde, rare est la deuxième chance. Demande à la forêt d'Amazonie ce qu'elle avance. Ça y est, prends le mic et gère la cadence. Et remercie Valdé pour sa pure présence. C'est l'eau, oh oh oh. On se rapproche de très haut. On s'éloigne des enclos afin d'engorger l'eau. Des anglos afin d'engorger l'eau. Il émane du très haut, la condition des lingots. Je ne veux pas de xénophobie. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas d'hétérophobie. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Pas d'agoraphobie, pas de claustrophobie. Pas de pédophilie, encore moins de sorcellerie. Pas de microphobie, pas de gemphobie. Je veux juste de la théophilie. Juste de l'amour. Oh, oh, oh. Juste de l'amour. Oh, oh, oh.